franceinter.com. La réalité à la fiction. En 2009, le célébrissime John le Carré lit un article du journal The Observer. Il découvre une déclaration d'un certain Antonio Maria Costa, directeur de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui affirme que l'argent de la drogue a sauvé les banques pendant la crise financière mondiale. L'écrivain, impressionné, on fera l'argument de son dernier roman, « Un traître à notre goût », qui vient de paraître au Seuil, tandis que les journalistes de l'hebdomadaire britannique poursuivaient leur enquête. Dans l'un de ses derniers numéros, The Observer publie un long papier où il est révélé une affaire troublante. Une importante banque états-unienne, Wachovia, rachetée depuis par le groupe Wells Fargo, il est accusé d'avoir blanchi des dizaines de milliards de dollars provenant du trafic de drogue. Et cela, malgré les avertissements répétés de l'un de ses employés qui avait conçu des doutes sur l'origine de ces fonds qui transitaient par des bureaux de change mexicains. Bien au contraire, les dirigeants de la banque n'ont eu de cesse de discréditer cet homme et de le pousser à la démission. Cependant, la Wachovia a fini par être rattrapé par la justice américaine en mars 2010. Mais pour échapper au scandale, la banque a préféré une transaction à l'amiable et payer sans aller jusqu'au procès 150 millions de dollars. C'est-à-dire seulement 2% des bénéfices réalisés par la banque en 2009. L'affaire est exemplaire, mais elle ne doit pas dissimuler ce que représente vraiment ce trafic de drogue au Mexique. En 2010, 15 273 personnes ont payé de leur vie la guerre de la drogue qui sévit là-bas depuis tant d'années. La guerre, oui, mais une guerre entre les narcotrafiquants et le pouvoir sur fond de corruption politique. Et où chaque jour, le pays semble s'enfoncer un peu plus dans l'horreur. Mais aussi une guerre qui trouve son origine dans quelques opérations clandestines menées par le grand voisin nord-américain. Monsieur X, dans un instant. Pour commencer, je voudrais vous rapporter un événement très curieux. Le 19 janvier 2001, El Chapo s'évade. El Chapo, c'est un sobriquet. Oui, c'est ainsi qu'on appelle Joaquim Guzman, le chef du cartel de la drogue du Sinaloa, un état du nord-est du Mexique. Une région qui est historiquement à l'origine de la production de drogue dans le pays. Bon, ça, je vous en reparlerai. Guzman est assurément le plus puissant des chefs de gang du Mexique. Il est emprisonné depuis 1993. Ça ne l'empêche nullement de continuer à diriger ses affaires. Et malgré son enfermement. Oui, dans cette prison de haute sécurité de Puente Grande, il est comme chez lui. Possède un téléphone cellulaire, reçoit qui il veut et dispose de tout ce dont il peut avoir besoin. Y compris des femmes, s'il le désire. Et le personnel de la prison est pratiquement à son service. Ça semble quand même assez inouï. Oui, mais c'est le traitement qui est réservé aux chefs des cartels de narcotrafiquants quand ils sont arrêtés. L'argent permet à peu près tout. Mais ça signifie que le système pénitentiaire est corrompu. Tout autant que de nombreux services de police du pays, oui. Donc, ce 19 janvier, Guzman s'évade. Comment alors? Selon la version officielle, El Chapo, ça veut dire petit, se serait dissimulé dans un panier de linge sale. Mais assez vite, on va mettre en cause cette version. Et d'abord parce que des gardiens de prison auraient vu Guzman après l'heure présumée de son évasion. Alors, selon vous, que se serait-il passé? Coïncidence, ce jour-là, le secrétaire d'État à la sécurité publique et plusieurs fonctionnaires de la police fédérale effectuaient une visite d'inspection. Il y avait donc de nombreux policiers présents. Une alerte aurait été déclenchée au moment où El Chapo était censé s'évader. Dans la confusion qui a suivi, le gangster aurait passé un uniforme de policier et serait tranquillement sorti au milieu de ses prétendus collègues. Ouais. Ce qui suppose des complicités. Oh, bien entendu, et au plus haut niveau. L'explication, mais enfin ça je reviendrai plus longuement sur ce point particulier, c'est que le nouveau président, Vicente Fox, a décidé de mettre fin à la guerre sanglante qui met aux prises les différents cartels de la drogue. Et pour aboutir, il compte sur Guzman, le plus important des chefs de narcotrafiquants. Ah oui, alors à lui de rétablir la paix. C'est ça. Enfin, vous l'avez compris, ça veut dire qu'on lui a promis une sorte d'impunité. Et donc la possibilité de continuer tranquillement ses activités. Oui, mais notez bien que depuis cette date, El Chapo, toujours en fuite, demeure en principe introuvable. Alors même que son cartel n'a jamais été plus puissant et qu'une vague de violence sans précédent déferle sur le Mexique. Le pays est devenu l'un des plus dangereux du monde. On tue aujourd'hui des dizaines de personnes tous les jours. En prenant le parti de Guzman là, contre les autres cartels, le président Fox a donc échoué. C'est certain. Enfin, ne l'allons pas trop vite. Et voyons comment tout cela a commencé. Je vous ai parlé de l'État du Sinaloa. C'est le berceau du trafic et du commerce de la drogue. C'est d'autant plus vrai que la plupart des chefs de cartels sont originaires de cette région. Et ça a débuté au début du XXe siècle. Racontez. Dans cet état situé sur la côte nord-est pacifique, entre l'océan et la Sierra Madre, des immigrants chinois sont arrivés pour construire la ligne de chemin de fer entre les États-Unis et le Mexique. Et dans leur poche, il y avait de l'opium, mais aussi des graines de pavot pour leur consommation personnelle. Ouais, et ils ont gardé ces graines. Naturellement. Mais ils ne les ont pas cultivées longtemps, car une vague de racisme les a obligés à fuir aux États-Unis en abandonnant leurs champs aux autochtones. Leurs champs, mais également leur savoir-faire. Toutefois, cette production est longtemps restée marginale. Et avant la Seconde Guerre mondiale, le Sinaloa vivait de son horticulture et de son industrie sucrière. J'ajoute quand même que traditionnellement, on y cultivait aussi un peu de marijuana, comme dans la plupart des autres États mexicains. Oui, mais pour un usage local. Bien évidemment, ouais. Mais ça va changer progressivement. L'un des pionniers, si j'ose dire, est un militaire, le major Esteban Cantú. Il s'installe dans l'État voisin, la Basse-Californie, capitale Tijuana. Et ce capot, pour reprendre le vocabulaire de la mafia, crée un gang qui opère dans tous les secteurs de la criminalité. Racket, trafic de prostituées, bien sûr, commerce de la drogue, opium, marijuana, et même cocaïne produite en Amérique du Sud. Et où se trouve sa clientèle alors? Essentiellement aux États-Unis. Et ce n'est pas étonnant. Ces États du nord-est du Mexique, Sinaloa, Basse-Californie, Chihuahua, sont proches de la frontière de leurs grands voisins du nord. Le Sinaloa est, par exemple, une voie naturelle d'exportation vers les États-Unis. Et nombreux sont déjà les Mexicains qui émigrent et vont s'installer en Californie. Ouais, autant de passeurs possibles. Après Cantú, d'autres chefs de gang montent leur propre réseau, souvent en famille. Mais comment réagit la police états-unienne alors? Elle essaie tant qu'elle le peut de juguler le trafic. Et le gouvernement américain fait pression sur son homologue mexicain afin que celui-ci détruise les récoltes de pavot ou de marijuana. Avec des résultats? Il semble en effet que la production baisse avant la Seconde Guerre mondiale. Mais justement, à cause de cette guerre, les choses vont changer. Et quel est le rapport, là? Pour soigner ces blessés, les États-Unis vont avoir besoin de grandes quantités de morphine. Et comme les expéditions d'opium de Turquie ou d'Extrême-Orient sont devenues impossibles, le gouvernement américain demande à Mexico de relancer la production de pavots, et en particulier dans l'état de Sinaloa, où les conditions météorologiques sont idéales pour cette culture. Ouais, mais ce sera ensuite difficile de revenir en arrière. Ah, forcément. Et déjà, les profits issus de la production de pavots sont tels que les cartels montent en puissance et qu'on observe les premiers signes de collusion entre le pouvoir politique local et les narcotrafiquants. Ainsi, le gouverneur de Sinaloa, Leopoldo Sanchez, marche la main dans la main avec ses chefs de bande. C'est si vrai qu'il prend comme garde du corps un homme de main qui a tué son prédécesseur sur ordre des narcotrafiquants, un voyou qu'il a préalablement fait sortir de prison. Mais si le commerce de la drogue augmente, eh ben, il faut aussi que la demande soit croissante. Et c'est effectivement le cas aux États-Unis, et surtout dans la Californie voisine, où l'on voit naître le mouvement hippie au cours des années 60. Oui, c'est en relation avec la guerre du Vietnam qui a commencé. Les jeunes GIs vont découvrir l'usage de la drogue là-bas. Et quand ils reviennent, ce sont bien souvent des consommateurs. C'est même si inquiétant qu'en 1969, le président Nixon lance une vaste opération anti-drogue, sans même avoir consulté le gouvernement mexicain. Les autorités américaines procèdent pendant une vingtaine de jours à une fouille systématique de toutes les personnes qui, venant du Mexique, entrent aux États-Unis. Bilan ? Quelques kilos de drogue sont saisis, mais il faut bien dire que cette opération spectaculaire s'est traduite par un quasi-échec. En réalité, il s'agissait essentiellement de montrer à l'opinion publique que la lutte anti-drogue devenait pour Washington une priorité nationale. Pour la première fois. En effet. Et parallèlement, les Américains augmentent leur pression sur leurs voisins et truffent leur ambassade de Mexico de spécialistes des différentes agences chargées de réprimer le trafic. Et là encore, avec des résultats ? Eh bien, paradoxalement, ça va pousser les narcotrafiquants à s'organiser plus efficacement. Pour simplifier, on va passer du petit artisanat à des structures quasi-industrielles et très hiérarchisées. On voit donc apparaître des chefs de cartel qui se comportent comme des hommes d'affaires. Et ce n'est sans doute pas par hasard si certains d'entre eux sont directement issus des rangs de la police mexicaine. Ah oui, bah parce qu'ils sont bien placés pour savoir quels moyens on utilise contre eux. Et qu'ils ont aussi gardé de précieux contacts chez leurs anciens collègues. C'est ainsi qu'on assiste à l'ascension d'un nommé Gallardo, Don Miguel, comme on va désormais l'appeler. Une marque de respect, là. Absolument. Don Miguel, un ancien flic qui a été garde du corps du gouverneur de l'État de Sinaloa, s'impose à la tête du cartel de Guadalajara. Épaulé par deux lieutenants, Quintero, alias le prince, et Fonseca, Don Neto, Gallardo fréquente les milieux politiques et malgré les 14 mandats d'arrêt délivré à son encontre, il devient un personnage public. Mais surtout, il ajoute une corde à son arc. Et quoi alors ? Non content de vendre la production locale de drogue, opium et marijuana, Don Miguel va commercialiser la cocaïne produite en Colombie. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Confirmation des derniers propos de M. X dans cet extrait d'un livre récent de la journaliste Babette Stern, Narco Business, l'irrésistible ascension des mafias mexicaines. Miguel Angel Félix Gallardo est l'archétype du patron de la narco-industrie naissante. Il est né dans le Sinaloa le 8 janvier 1946. Il quitte l'école assez vite et entre à 17 ans comme garde du corps du gouverneur de l'État, Leopoldo Sanchez Celis, celui-là même qui avait déjà recruté El Gitano, l'assassin de l'un de ses prédécesseurs. Le gouverneur, connu pour ses mauvaises relations, le prend sous son aile. Miguel Angel devient bientôt agent de la police judiciaire de l'État. Il le restera jusqu'en 1971 pour se tourner vers des tâches plus lucratives. Il a 25 ans et il est doué et intelligent. Dans un monde compétitif où la demande est en constante évolution, Félix Gallardo est le premier à penser le crime en entrepreneur. En 1975, l'agence américaine DEA détecte son implication dans le trafic de cocaïne. Il est déjà trop tard. L'entreprise n'est plus une start-up, mais une société structurée qui a souscrit auprès des politiques une police d'assurance pour perte d'exploitation dont les primes très élevées la mettent à l'abri d'une baisse de chiffre d'affaires. « Ce Gallardo est donc le premier narcotrafiquant à se comporter comme un chef d'entreprise. Exactement, et il diversifie ses activités. La drogue demeure quand même son fonds de commerce. Ah, bah, bien entendu, et il met au point des méthodes très sophistiquées pour acheminer la drogue jusqu'aux États-Unis. C'est la branche fret de son organisation qui en est chargée. Et tous les moyens de transport sont utilisés, avions, bateaux, voitures. Dans la plus totale impunité, si je vous ai bien entendu. Mais ça ne pouvait quand même pas durer éternellement. En 1975, poussé par les autorités états-uniennes, le gouvernement mexicain se décide à agir. 10 000 soldats sont mobilisés. Ils sont chargés de détruire les plantations de pavot et de marijuana. Ce qu'ils font effectivement ? Plusieurs milliers d'hectares de cultures sont brûlés. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus. Pour quelle raison alors? Ce sont les petits exploitants qui sont frappés. Mais les gros narcotrafiquants, et en particulier le cartel de Don Miguel, sont épargnés. La technostructure de son organisation reste intacte. Le capot du cartel du Sinaloa s'est simplement contenté de transférer son siège social dans l'état voisin de Jalisco. Mais ce n'est pas trop étonnant. Gallardo a bénéficié de la complicité de la DFS, la Direction fédérale de la sécurité, qui est la police politique du régime mexicain. Un peu plus tard, l'un de ses commandants rejoindra d'ailleurs tout bonnement le cartel. C'est plus simple comme ça. Hein. Ouais. En tout cas, rien ne semble pouvoir venir à bout là, de Don Miguel et de son organisation. C'est clairement ce qui apparaît en cette fin des années 70. Au contraire, après cette opération d'envergure, le cartel semble consolidé. Et au fond, en éliminant les petits, les autorités mexicaines lui ont rendu service. Oui, en liquidant quelques concurrents. Quoi. Bien sûr. Et Don Miguel va bientôt trafiquer en collaboration avec les Colombiens, Pablo Escobar et les frères Ochoa. C'est aussi l'époque où les marchands de drogue imaginent les combines les plus inventives pour transporter leur poison. Un des intermédiaires ira même jusqu'à acheter une île des Bahamas où il construit un terrain d'aviation. Moyennant une rente mensuelle versée au premier ministre des Bahamas, ces petits monomoteurs peuvent atterrir et décoller en toute tranquillité et acheminer la cocaïne en Floride, jusqu'au jour où les États-Unis se fâcheront. C'est-à-dire ? Eh bien, un beau jour, des troupes américaines anti-drogue débarqueront sur cette île et mettront fin à ce trafic aérien. Vous le savez bien, l'imagination des gangsters est sans limite. Quand une filière tombe, une autre se met aussitôt en place. Mais par exemple, alors ? Au lieu de procéder à des atterrissages toujours risqués, les trafiquants vont parachuter leur cargaison de drogue. Car il faut quand même reconnaître que le gouvernement états-unien, sous l'impulsion du président Reagan, a pris l'affaire au sérieux. George Bush, ancien directeur de la CIA, est chargé de mettre sur pied une task force, comme disent les Américains, dotée d'hélicoptères, d'avions radars et de vedettes rapides, qui traquent les narcotrafiquants sur les côtes de Floride. Mais bon, revenons au cartel de Guadalajara et à son chef, Don Miguel. La prospérité continue ? De plus belle, oui, et au vu et au su de tout le monde. Et donc des autorités ? L'un des lieutenants du capot, le jeune Caro Quintero, mène la grande vie, donne des fêtes somptueuses et collectionne les aventures féminines. Sa dernière conquête, au début des années 80, est ainsi la nièce du gouverneur de l'État. Mais en même temps, il s'est lancé dans l'exploitation industrielle du cannabis. Ah bon, c'est-à-dire Il utilise toutes les techniques de la culture intensive et les engins les plus modernes pour exploiter ces milliers d'hectares. Naturellement, il emploie une véritable armée de paysans. Mais il leur impose une condition qui est plus proche de l'esclavage que de celle d'ouvriers agricoles. Et si l'un d'eux se rebelle ou s'échappe, il est battu et même parfois tué. Mais une exploitation aussi vaste ne peut pas rester longtemps clandestine, non ? Et malgré toutes les protections dont dispose le lieutenant de Don Miguel, Quintero deviendra une cible pour la police et l'agence antidrogue des États-Unis, la DEA, et finira par tomber. Enfin, on verra ça un petit peu plus loin. Et son patron lui-même ? Don Miguel, lui passera provisoirement à travers les mailles du filet. Mais la leçon est portée. Le cartel abandonne la marijuana et renforce ses liens avec les Colombiens. Il y a même une rencontre au sommet entre Pablo Escobar et Don Miguel. Le Mexicain va donc essentiellement maintenant jouer un rôle de passeur. C'est ça. Alors les deux chefs, qui sont chacun à la tête d'un véritable empire et d'une considérable fortune, négocient, discutent précisément, point après point, tous les termes de l'accord qu'ils vont passer. Il y a bien sûr la rémunération des Mexicains pour chaque kilo de cocaïne transféré aux États-Unis. Mais il faut aussi définir le rôle des intermédiaires, les routes clandestines terrestres ou aériennes qui seront empruntées. Et bien sûr, les conditions de vente de la drogue aux consommateurs. Au fond, comme n'importe quel traité commercial. Et finalement, il conclut Et grâce à cet accord, Don Miguel va devenir encore plus riche, beaucoup plus riche. Désormais, on ne l'appelle plus que le chef des chefs. Est-ce que ça veut dire qu'il règne sans partage sur tous les narcotrafiquants mexicains ? Non, car un autre cartel est apparu. Et disons-le tout de suite, ça dégénérera forcément un jour ou l'autre en guerre entre les deux entités criminelles. Il ne peut y avoir deux crocodiles dans le même marigot. Mais on n'en est pas encore là, lorsque Don Miguel passe un contrat avec Escobar. Alors quel est cet autre cartel ? On l'appelle communément le cartel du Golfe, c'est-à-dire que géographiquement, il est implanté de l'autre côté du pays. Oui, à l'est. Oui, oui, son chef est un nommé Juan Abrego. Un personnage haut en couleur, énorme, violent, gros buveur, amateur de bijoux. Il s'est aussi constitué un véritable harem. Enfin, toujours armé, il est réputé pour avoir la gâchette très sensible. Un tueur. Bon, comme la plupart des narcotrafiquants. Et quand il ne tue pas lui-même, ce sont ses hommes de main qui passent à l'action, impitoyablement. Un seul exemple. Le 17 juillet 1982, le frère d'Abrego, José, est abattu. Eh bien, le chef du cartel du Golfe commande que chaque mois, le 17, ses tueurs assassinent quelqu'un. Au hasard ? Ah, pas tout à fait. Il fait assassiner les parents de ses ennemis ou bien encore des journalistes qui ont osé le critiquer. Charmant personnage, hein ? Eh oui, Abrego règne par la violence. Et lui aussi jouit d'une forme d'impunité. Il le doit en particulier au lien qu'il a tissé avec le président mexicain, Salinas. Le président de la République. Alors, c'est son protecteur. Tant que Salinas reste au pouvoir, oui. Et ses activités, à lui, alors ? Oh, elles sont aussi diversifiées que celles de Don Miguel. Et lui aussi, comme son rival du cartel de Guadalajara, va passer un accord avec les narcotrafiquants colombiens. Mais pas avec Escobar ? Ah non, c'est impossible, puisque le chef du cartel de Medellín a traité avec Don Miguel. Une sorte de contrat d'exclusivité. Par conséquent, Abrego se tourne vers l'autre organisation criminelle colombienne, le cartel de Cali, dirigé par les frères Orejuela. Il passe à marcher avec eux. Bien sûr. Et cette guerre des cartels que vous annonciez ? Oh, elle est inévitable. Et ce sera dans les années 90, le début des terribles violences qui ne cessent depuis d'ensanglanter le Mexique. Et qui vont augmenter d'année en année. Cependant, auparavant, je dois vous parler d'une affaire qui explique pourquoi, pendant si longtemps, les cartels mexicains ont pu se livrer en toute tranquillité à leurs activités criminelles. Avant de poursuivre et d'entendre les explications de M. X, je voudrais vous lire ces quelques lignes extraites d'un article de 2007 du journal mexicain Proceso. Tijuana, située à la frontière américano-mexicaine dans l'état de Basse-Californie, vit pour sa part l'époque la plus prospère de son histoire récente selon Victor Clark Alfaro, directeur du Centre binational des droits de l'homme à la frontière et observateur aussi critique qu'assidu. Et de nombreux rapports et études de société, ajoute-t-il, montrent que si le cartel de Tijuana continue à prédominer et à se développer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières mexicaines, c'est grâce à la loyauté historique de la police envers ses parrains. Car la police de Tijuana sert les intérêts des narcos depuis 30 ans déjà. Dans un premier temps, elle a protégé les activités des Arellano, chef du cartel de Tijuana. Mais aujourd'hui, la présence de plus en plus importante des cartels de Juarez et de Sinaloa sème la zizanie. Certains policiers sont à la solde de l'organisation locale, d'autres à celle de ses rivales. Cela explique les règlements de compte et la violence qui s'abat actuellement sur les forces de sécurité qui se battent pour décrocher le marché de la protection des narcos. Bang, bang. Bang, bang. Pour bien comprendre, il faut revenir à ce qui a été le plus grand scandale des années Reagan. L'Iran Gate. Oui. Alors, bien que nous ayons à maintes reprises évoqué ce sujet, un petit rappel. L'Iran Gate, c'est la vente illégale d'armes à l'Iran, qui est alors placée sous embargo par le Congrès états-unien. En autorisant ses collaborateurs les plus proches à violer cet embargo, le président Reagan poursuit deux objectifs. D'abord, il espère obtenir des ayatollahs qu'ils fassent pression sur leurs partenaires libanais afin que soient libérés les otages américains qu'ils détiennent. Chacun sait que c'est Téhéran qui détient les clés de l'affaire. Bien sûr. Ouais. Et d'autre part, Reagan et ses conseillers entendent utiliser l'argent collecté à l'occasion de ces ventes d'armes illégales pour aider matériellement les contre-révolutionnaires nicaraguayens. Les Contras. Qui entendent renverser le gouvernement sandiniste en place à Managua. Et après le renversement du dictateur Somoza. C'est ça. Et cette aide matérielle en armes et en argent est tout aussi illégale que les ventes d'armes à l'Iran. Ah, tout à fait. Puisque le Congrès américain a interdit à la CIA et autres agences de fournir un quelconque appui aux Contras. Mais Reagan, obsédé par la montée en puissance des forces révolutionnaires en Amérique du Sud, est décidé à passer outre. Et c'est là où nous allons retrouver les narcotrafiquants colombiens et mexicains. Quel va être leur rôle alors? Le principal artisan de l'Iran Gate, le fameux colonel North, membre du Conseil national de sécurité, propose un marché à ces cartels criminels. Si vous aidez financièrement les Contras, nous fermerons les yeux sur vos activités aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on va leur permettre de se livrer impunément au trafic et au commerce de la drogue sur le territoire américain. Exactement. Ça va même aller plus loin, je vous explique. Pour livrer des armes et diverses fournitures, et même des conseillers militaires ou des mercenaires ou contre-révolutionnaires nicaraguayens, North fait en particulier appel à une compagnie d'aviation, la SETCO. Très intéressante, cette compagnie. Et pourquoi appartient-elle que... comme autrefois Air America au moment de la guerre du Vietnam à la CIA? Non, la SETCO est la propriété d'un citoyen du Honduras, un certain Ballesteros. Or, c'est cet homme qui a servi d'intermédiaire lors de l'accord qui est intervenu entre Gallardo, Don Miguel et Pablo Escobar. Et ce sont souvent ces avions qui servent à acheminer la cocaïne aux États-Unis. Ouais, alors ces mêmes avions qui vont donc approvisionner la guérilla des Contras. Eh oui. Mais lorsqu'ils effectuent leur vol de retour, leurs soutes ne sont pas vides. Elles contiennent de la drogue destinée aux consommateurs états-uniens. Ouais, bien sûr, ces appareils affrétés par North ne subissent aucun contrôle douanier. Et ça durera au moins jusqu'en 1986, année où éclatera le scandale de l'Iran Gate. Mais au moins, dans un premier temps, on passera sous silence les implications des conseillers de Ronald Reagan dans le trafic de drogue pour ne retenir que les ventes d'armes à l'Iran et le soutien clandestins au Contras. J'ajoute que les narcotrafiquants, en contrepartie des services que leur a consenti Oliver North, ont aussi accepté d'héberger des Contras. Don Miguel, par exemple, a accepté que des guerrilleros viennent s'entraîner dans ces vastes propriétés du Sinaloa. En toute discrétion. Et les formateurs étaient des gens de la CIA. On se trouve là devant une situation complètement folle. Des agents américains de la DEA. La DEA, c'est l'agence chargée de lutter contre le trafic de drogue. En effet. Donc, des membres de cette agence sont chargés de réprimer les narcotrafiquants, tandis que d'autres, appartenant à une agence gouvernementale, la CIA, favorisent clandestinement le trafic. Un comportement un peu schizophrène. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Et dans ces agences fédérales, là, ceux qui savent ne bronchent pas? Quelques fonctionnaires fédéraux ont eu très envie de ruer dans les brancards. Et dans les années 80, deux agents spéciaux de la DEA ou du bureau de Los Angeles se sont jurés de venger la mort d'un des leurs, Enrique Camarena, assassiné par les narcotrafiquants mexicains. Alors comment ont-ils procédé? Ils ont longuement et sérieusement enquêté. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert d'abord les liens qui existaient entre les narcotrafiquants et le pouvoir mexicain. Puis en poussant le bouchon un peu plus loin, ils ont établi que la CIA avait collaboré avec les narcotrafiquants durant l'affaire des Contras. Ils sont arrivés à cette conclusion en menant une autre enquête sur l'assassinat en 1984 d'un journaliste mexicain. Qui ? Un nommé Manuel Buendía. C'est lui qui, le premier, a révélé dans une série d'articles la contrebande d'armes mise en place par la CIA en faveur des Contras. Et par là même, il a mis en lumière les relations que l'agence états-unienne avait établies avec les plus fameux narcotrafiquants de Veracruz, c'est-à-dire les hommes du cartel du Golfe. Et en même temps, il a débouché sur les protections dont disposaient ces narcotrafiquants au plus haut sommet de l'État. Ouais, vous avez déjà parlé du président Salinas, hein, le parrain de ce chef de gang, là. Juan Abrego. Ouais. Mais ce que Buendía a découvert et révélé, c'est qu'il existait une longue chaîne de collusion et de corruption avec quelques pontes haut placées du parti au pouvoir. L'indéboulonnable PRI. Ouais, PRI, c'est Parti Révolutionnaire Institutionnel. Hein. Un bel oxymore. Un parti qui gouvernait le Mexique depuis 1929, un record de longévité. Et ce journaliste, Buendía, a été assassiné. Oui, vraisemblablement par des hommes de main à la solde de cette branche corrompue de la police dont je vous ai parlé tout à l'heure, la DFS, Direction Générale de la Sécurité Mexicaine. Il faut dire d'ailleurs que les journalistes vont payer un lourd tribut dans cette guerre de la drogue. Bon, mais je reprends. Donc ces deux agents spéciaux là, de l'agence antidrogue américaine, ont fait des découvertes explosives. Et ils ont consigné tout cela dans un rapport secret remis à leur chef. Conséquence ? Ben, il existe toujours une sorte de concurrence entre le DEA et la CIA. Aussi, les patrons de la lutte antidrogue ont-ils décidé de procéder à un grand coup de balai. Ah, quitte à embarrasser, et le mot est sans doute faible, leur cousin de la CIA. Hein. En effet. Et en 1985, avec l'armée mexicaine, une unité spéciale de la DEA lance l'opération Légende, visant à arrêter les assassins de l'agent Camarena. C'est à cette occasion que le lieutenant de Don Miguel, Caro Quintero, est interpellé. Et en perquisitionnant chez lui, on découvre une véritable caverne d'Ali Baba. De la drogue, bien sûr, mais aussi des centaines de milliers de dollars, des bijoux, des voitures de luxe, et j'en passe. C'est le seul membre du cartel à tomber ? Non. Après Caro Quintero, c'est au tour du second lieutenant, Fonseca, d'être arrêté. Il se cachait, c'est le directeur de la sécurité publique d'une petite ville de la région. Ouais, pourtant, une cache sûre, non ? Ah ben, mais pas assez, sûrement. Et le chef des chefs, alors ? Don Miguel ? Ah ben, lui sera appréhendé que 4 ans plus tard. Est-ce que ça signifie que le cartel de Guadalajara est démantelé ? Ah, pas du tout. Ses principaux chefs sont certes derrière les barreaux, mais d'une part, ils y vivent comme des nababs, et d'autre part, ils continuent depuis leurs confortables cellules à diriger leurs affaires. Et puis, ils ont aussi délégué. Fonseca a, par exemple, confié les rênes de son entreprise à l'un de ses neveux, qui deviendra à son tour l'un des plus importants chefs de gang du Sinaloa. Alors, j'allais dire tout ça pour si peu ? Pas tout à fait, car l'enquête très poussée de la DEA a révélé la corruption des autorités mexicaines et de la police, accusées de protéger les chefs de cartel. Et les autorités mexicaines devront se résoudre à dissoudre la Direction fédérale de la sécurité, DFS, qui était l'organe de médiation structurelle entre le monde politique et les trafiquants de drogue. En fait, on assiste à un vrai tournant dans les relations États-Unis-Mexique. Mais si vous le voulez bien, on verra cela dans notre prochain entretien. Oui, mais tout de même, là, avant de nous quitter, dites-moi si Mexico a procédé à une véritable réforme des institutions policières. Apparemment, oui. Après la dissolution de la DFS, c'est la PJF, c'est-à-dire la police judiciaire fédérale, qui prend en charge la lutte contre les narcotrafiquants. Et il y a un problème. Mais quoi ? Calderoni, le nouveau patron de cette police judiciaire, est un homme déterminé, un bon flic. Seulement originaire de l'état du Tamaulipas, berceau du cartel du Golfe, on s'apercevra aussi qu'il est très copain avec les gangsters de sa région d'origine. Ouais, c'est en effet embarrassant. D'autant plus qu'il va faire la guerre aux narcotrafiquants du Sinaloa pour le plus grand profit de ses amis du Tamaulipas. Et tout ça avec la bénédiction du président Carlos Salinas. Et notez-le bien, on assiste aujourd'hui à des phénomènes comparables. Lorsque les gouvernements des années 2000 s'attaqueront militairement à certains cartels, ce sera toujours pour en protéger d'autres. Des alliances contre nature. Évidemment. Pour finir provisoirement cet entretien, que nous reprendrons la semaine prochaine, si vous le voulez bien, cette dernière information que j'ai trouvée dans un livre paru au Mexique l'automne dernier. Son auteur, la journaliste mexicaine Annabelle Hernandez, affirme qu'il existait des liens occultes entre la CIA et le pouvoir mexicain depuis les années 50-60, c'est-à-dire à l'époque où la lutte antisubversive et donc anticommuniste battait son plein dans toute l'Amérique latine. Alors, selon cette journaliste, l'aide à la Contra dans les années 80 n'aurait été que la poursuite de cette collusion ? est déjà l'esquisse de ce que l'on a appelé l'opération Condor, le pacte de solidarité entre tous les dictateurs d'Amérique du Sud sous la haute autorité de la CIA. J'ai trouvé une confirmation de la collusion entre la CIA, les Contras et les narcotrafiquants dans un rapport du sénateur américain John Kerry, rendu en avril 1990. Je cite. Sur la base de preuves, il est clair que les personnes qui ont fourni un soutien aux Contras étaient impliquées dans le trafic de drogue. Le réseau d'approvisionnement des Contras a été utilisé par les organisations de trafic de drogue et des éléments des Contras ont eux-mêmes sciemment bénéficié d'une assistance financière et matérielle des trafiquants de drogue. Dans chaque cas, l'une des agences de renseignement disposait d'informations concernant cette participation alors qu'elle était en cours ou qu'elle venait de se terminer. Les agences du gouvernement états-unien étaient au courant de la connexion contrat-drogue, mais elles ont choisi d'ignorer l'évidence pour ne pas nuire à l'une des principales initiatives de la politique extérieure de l'administration Reagan-Bush. Je vous rappelle, le livre très précieux de Babette Stern, récemment publié chez Max Milo Éditions, Narco-business, l'irrésistible ascension des mafias mexicaines, et aussi Le Mexique de A à Z de Patrice Gouy chez André Versailles, éditeur. Enfin, un livre qui, apparemment, est étranger à ce sujet, L'art de la guerre de Machiavel, dans une nouvelle traduction de Jean-Yves Borio, dans la petite collection Tempus de Perrin. Un livre dont la modernité n'est hélas plus à démontrer. Un samedi prochain sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission ou la podcaster. Rebecca de Nantes a préparé ce programme. Merci aussi à Michel Biou et à Monsieur Djoub qui l'a mis en musique.